Je m'en fous, tu dois partir. Allez, mais qu'est-ce que c'est pour l'histoire? Mais je, non, je ne comprends. Des vieux de Cantonio, la ligne n'a belle. Mais yo, le bilan est un peu le tempo n'a pas quitté. Té, yo, français, belle boy. Ah. Té. Libala oyo, na balande makambo. Baninga boyo kaneli kambo. Ebe misinga motema. Tenge oya piara salinga. Zambe. Nakoki kosala ye mabe ya pamba. Azuanga bomwana nazali pe na kelasi. Abe misima kelasi na ngai nyonso. Apresse. Kakato banana Ngai mwasi koya libala Kolia malamote Kola tase eteni ya elamba Tango nyoso Pasi na pasi Ndako mesate kitite Soni pena baninga Soki nakanga kimotema Kakase poya boni Oh, my God.